Georges Charles Brassens nasceu em 1921 na rua de l'Hospice, num bairro operário do Porto de Sète, na região da Occitânia. Vivia com a mãe, Elvira, nascida da Grosa, italiana do Sul, com seu pai, Jean-Louis, pedreiro francês, com a sua meia-irmã, Simone Conte, nascida do primeiro casamento da mãe, e com os avós paternos, Jules e Marguerite, nascida Josserin, nascidos em Castelnaudary. Il prenait son trépas à cœur cette fois-ci, et les bons hommes chargés de la levée du corps ne chantaient pas non plus Saint-Éloi bande encore. Les Gazards avaient fait les choses comme il faut, le Maccabée semblait tout à fait mort. Bravo. A sua mãe, uma católica devota, foi viúva de guerra de Alphonse Comte, morto na frente em 1914, casando-se depois com Jean-Louis Brasson, um homem pacífico, generoso, livre pensador, anticlerical, recusou-se a comparecer à comunhão do filho e dotado de grande independência mental. Duas personagens muito diferentes, unidas por uma coisa, o gosto pela canção. No gramofone, rodavam frequentemente discos de Mireille Artus, Jean Nora, Tino Rossi ou Ray Ventura e os seus Collégions, e todos cantavam em casa. En forme de phallus, et quand il y a là de ces de profondis, l'enfant de cœur réplique pas Morcionibus. Les Gazards avaient fait les choses comme il faut, le curé venait pas de camarée. Bravo. Aos 4 anos de idade, obedecendo à vontade da sua mãe, Jorge iniciou os seus estudos na Instituição Católica das Irmãs de São Vicente. Saiu 2 anos depois, obedecendo à vontade do seu pai, para entrar na escola municipal. Aos 12 anos, estava inscrito no ensino médio, sem ser um aluno muito estudioso. Os amigos descreviam-no como sendo um tanto sonhador na aula. Fora dela, preferia jogos, andar à bulha, banhos de mar e férias. Com o intuito dele melhorar as suas classificações, a mãe recusou-lhe o ensino de música. Não saber nada sobre solfejo não o impediu de transformar em cantigas os seus primeiros poemas. Étrange façon, les Gazards avaient fait les choses comme il faut, leur compassion semblait venir du cœur. Bravo. Em 1936, descobriu a poesia graças ao seu professor de francês, Alphonse Bonafé, conhecido como o Boxeador. O adolescente teve a ousadia de lhe enviar algumas das suas rimas. Longe de desencorajá-lo, o professor aconselhou-o a ser mais rigoroso e interessou-o pela técnica da versificação e da abordagem da rima. Além da poesia e da canção popular, apreciava o jazz que ouvia na rádio. Na França, Charles Trenet combinou tudo o que ele amava. Passou a ser um modelo para si. Quis ser um poeta. Aos 16 anos, na primavera de 1938, envolveu-se na delinquência juvenil por algum tempo. Na tentativa de ganhar algum dinheiro, o grupo de amigos do qual fazia parte cometeu alguns roubos, dos quais os seus familiares foram as principais vítimas. Bravo! Adieu les faux tibias, les crânes de carton, plus de marche funèbre au son des mirlitons. Au grand bal des Gazards, nous n'irons plus danser, les vrais enterrements viennent de commencer. Nous n'irons plus danser au grand bal des Gazards. Viens pépère, on va se ranger des corbillards. Nous n'irons plus danser au grand bal des Gazards. Viens pépère, on va se ranger des corbillards. Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie. Georges roubou um anel e uma pulseira à sua irmã. Esses roubos repetidos causaram convulsão na cidade. Quando a polícia finalmente prendeu os culpados, o caso causou um escândalo. Jean-Louis Brassens, indulgente, não o repreendeu quando foi buscar ao posto da polícia. Para Georges, isso foi uma lição. O delito resultou, em 1939, numa pena suspensa. Não regressou ao colégio. Passou o verão recluso em casa e deixou crescer um bigode.

aux quatre coins de ma vie de bohème. Tu as promené le feu de tes 20 ans. Et pour moi, pour mes chats, pour mes fleurs, mes poèmes, c'était toi, la pluie et le beau temps. Ah, ah, ah, putain de toi, ah, ah, ah, pauvre de moi. Mais le temps passait, fauche à l'aveuglette, notre amour mûrissait à peine que déjà tu brûlais mes chansons, crachais sur mes violettes et faisais des misères à mes chats. Ah, ah, ah, putain de toi, ah, ah, ah, pauvre de moi. Le comble enfin, misérable salope, comme il ne restait plus rien dans le garde-manger, t'as couru sans vergogne et pour une escalope te jeter dans le lit du boucher. Ah, ah, ah, putain de toi, ah, ah, ah, pauvre de moi. C'était fini, t'avais passé les bornes, et renonçant aux amours frivoles d'ici-bas, je suis remonté dans la lune en emportant mes cornes, mes chansons et mes fleurs et mes chats. Ah, ah, ah, putain de toi, ah, ah, ah, pauvre de moi. Si gîte au fond de mon cœur une histoire ancienne, un fantôme, un souvenir d'une que j'aimais, le temps à grands coups de faux peut faire des siennes. Mon bel amour dure encore et c'est à jamais. Georges passava os dias na biblioteca municipal local. Consciente das suas deficiências em poesia, aprendeu versificação e leu Villon, Baudelaire, Verlaine, Hugo e muitos outros. Adquiriu assim uma certa cultura literária que o levou a escrever as suas primeiras coletâneas de poesia, Les Couleurs Vagues e Les Coupes d'Épée dans l'eau, anunciando o estilo das canções futuras. Em fevereiro de 1943, os nazis impuseram um serviço de trabalho obrigatório ao governo de Vichy. Muitos recusaram-se a trabalhar e fugiram, escolheram uma falsa identidade ou juntaram-se à resistência. Severas represálias eram aplicadas a quem se recusasse a obedecer. Outros concordaram em servir em fábricas de armas dos nazis. A 8 de março, Georges Brassens estava na estação ferroviária da Gare de l'Est, a caminho da Alemanha, para um campo de trabalho forçado em Basdorf, na fábrica de motores de aeronaves BMW. À mon âme en peine, je suis un voyou. C'était une fille sage, à bouche que veux-tu? J'ai croqué dans son corsage les fruits défendus. Elle m'a dit d'un ton sévère, qu'est-ce que tu fais là? Mais elle m'a laissé faire, les filles c'est comme ça. Puis j'ai déchiré sa robe sans l'avoir voulu. Le bon Dieu me le pardonne, je n'y tenais plus. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. J'ai perdu la tramontane en perdant Margot, qui épousa contre son âme un triste bigot. Elle doit avoir à l'heure qu'il est, deux ou trois marmots qui pleurent pour avoir leur lait. Et moi j'ai été leur mère longtemps avant eux. Le bon Dieu me le pardonne, j'étais amoureux. Qu'il me le pardonne ou non, d'ailleurs je m'en fous. J'ai déjà mon âme en peine, je suis un voyou. Il y a péril en la demeure, depuis que les femmes de bonne humeur ces troubles fêtent. Jalouse de Manon Lescaut, viennent dépiter leurs gigots à la sauvette. Elles ôtent le bonhomme de dessus, la brave horizontale déçue, elles prennent sa place. De la bouche au pauvre tapin, elles retirent le morceau de pain, c'est dégueulasse. En vérité, je vous le dis, il y en a plus qu'en Normandie, il y a de pommes. Sainte Madeleine, protégez-nous, le métier de femme ne nous rit plus sonore. Il y a ces gamines de malheur, ces gosses qui tout en suçant l'heure poussent de fillettes. Se livrent aux détournements de majeurs et vénalement troussent leurs layettes. Il y a ces rombières de qualité, ces punaises de salon de thé qui se prosternent, qui pour redorer leur blason viennent accrocher leur vison à la lanterne. Il y a ces petites bourgeoises faux-culs qui, d'accord avec leur cocu, clair de notaire, au prix de gros vents de leur corps, leur charme qui fleure encore la pomme de terre. Lors délaissant la fille de joie, le client peut faire son choix tout à sa guise et se payer beaucoup moins cher des collégiennes, des ménagères et des marquises. Ajoutez à ça qu'aujourd'hui la manie de l'acte gratuit se développe, que les créatures se font cul, buter à l'œil et sans calcul à les salopes. Elles ôtent le bonhomme de dessus, la brave horizontale déçue, elles prennent sa place. De la bouche au pauvre tapin, elle retire le morceau de pain, c'est dégueulasse. Moi, mes amours d'antan, c'était de la grisette, Margot la blanche caille et Fanchon la cousette. Pas la moindre noblesse, excusez-moi du peu. C'était, me direz-vous, des grâces roturières, des nymphes de ruisseaux, des Vénus de barrière. Mon prince, on a les dames du temps jadis qu'on peut. Car le cœur à 20 ans se pose où l'œil se pose, le premier cotillon venu vous en impose. La plus humble bergère est un morceau de roi. Ça manquait de marquise, on connut la soubrette. Faute de fleurs de lys, on eut la pâquerette. Au printemps, Cupidon fait flèche de tout bois. On rencontrait la belle aux puces le dimanche. Je te plais, tu me plais, et c'était dans la Manche. Et les grands sentiments n'étaient pas de rigueur. Je te plais, tu me plais, viens donc beau militaire. Dans un train de banlieue, on partait pour Citerre. On n'était pas tenu même d'apporter son cœur. Mimi de prime abord payait guère de mine. Chez son fourreur sans doute, on ignorait l'hermine. Son habit sortait point de l'atelier d'un dieu. Mais quand par-dessus le moulin de la galette, elle jetait pour vous sa parure simplette, ses psychés tout entières qui vous sautaient aux yeux. Au second rendez-vous, il y avait parfois personne. Elle avait fait faux bond, la petite Amazone. Mais l'on ne courait pas se pendre pour autant.

cujo objetivo principal era ridicularizar outros partidos políticos e defender o retorno a um modo de vida mais simples. Este partido jamais veria a luz do dia devido ao abandono de Miramonte. Com a ajuda financeira de Jeanne, comprou a guitarra de um amigo. Em 1946, herdou o piano da sua tia Antonieta, falecida em julho. Naquele ano, teve os seus primeiros problemas renais, acompanhados de cólica renal. N'a pas encore de plume, la flèche qui doit percer son flanc. Et dans son cœur, rien ne s'allume quand elle cède à ses galants. Elle se rit bien des gondoles, des fleurs bleues, des galants discours, des Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour. Par amour, des Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. N'allez pas croire davantage que le démon brûle son corps. Il s'arrête au premier étage, son septième ciel, et encore. Antimilitarista e anticlerical, em 1946, tornou-se amigo de ativistas libertários, mormente do pintor Marcel Renaud e do poeta Armand Robin, e leu Mikhail Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon e Pierre Kropotkin. Estas leituras e estes encontros envolveram-no no movimento, escrevendo várias colunas no jornal da Federação Anarquista, Le Libertaire, que, desde a década de 1950, passou a chamar-se Le Monde Libertaire, sob os pseudónimos de Géo Cédille, Charles Brenz, Georges Charles Malpaillet, Pépin Cadavre ou Gilles Collin. Os seus artigos são virulentos, com toques de humor negro, contra tudo o que infringe as liberdades individuais. A violência da sua prosa não foi unanimemente apreciada pelos colegas. Colaborou também, periodicamente, com o Boletim da Confederação Nacional do Trabalho. Em 1951 ocorreu a grande mudança na sua carreira. A conselho do cantor e compositor Jacques Grelot, tentou a sorte em cabarés. As primeiras apresentações foram no Lapin Agile e no Milord d'Arcueil. A 6 de março de 1952, conheceu Henriette Ragon, a atriz e cantora alcunhada Patachou, que tinha um cabaré. Convencida do talento de Brassens, ela concordou em cantar algumas das suas canções, como Brave Margot e Les Banques Publiques, e incentivou-o a cantar sozinho. Brassens subiu ao palco do cabaré e cantou, entre outras, Le Goril e Putain de Toi. Ela gravou, em dezembro de 1952, no estúdio Chopin Playel, 9 faixas para o álbum Patachou Chante Brassens, incluindo um dueto com ele no tema Maman Papa. Celles qui font l'amour par amour, les Vénus de la vieille école. Celles qui font l'amour par amour.

sur le pont des arts. Tu croises le vent marot, puis il en prend garde à ton chapeau. Claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne. Fleur de lys ou fleur d'oranger, avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu du plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fît du vent, qu'il fît du vent. La petite Marguerite est tombée, singulière du bréviaire de la baie. Trois pétales de scandale sur l'autel, indiscrète pâquerette, d'où vient-elle? Trois pétales de scandale sur l'autel, indiscrète pâquerette, d'où vient-elle? Dans l'enceinte sacro-sainte, qu'elle et moi, quelle affaire, oui ma chère, croyez-moi. La frivole fleur qui vole arrivant, contrebande des plaques-bandes du couvent. La frivole fleur qui vole arrivant, contrebande des plaques-bandes du couvent. Notre Père qui j'espère est aux cieux, n'ayez cure des murmures malicieux. La légère fleur peu chère ne vient pas de nonnettes, de cornettes en sabbat. La légère fleur peu chère ne vient pas de nonnettes, de cornettes en sabbat. Sachez diantre qu'un jour entre deux avait, sur la pierre d'un calvaire il l'a trouvé. Et la mise, chose admise par le ciel, sans embâge dans les pages du missel. Et la mise, chose admise par le ciel, sans embâge dans les pages du missel. Que ces messes passent, cessent, je vous prie. Non, le prêtre n'est pas traître à Marie. Que personne ne soupçonne plus jamais la petite Marguerite à sa mère. Que personne ne soupçonne plus jamais la petite Marguerite à sa mère. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent.

Mais si l'on ne mourait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre fossoyeur. Jack Canetti, Dono Douche. Trois Baudet também ficou entusiasmado e ofereceu a Brasson um contrato para a temporada, como também o lançamento de quatro discos de 78 rotações na Polydor, Les Gorilles e Les Mauvais Sauges Repentis, La Mauvaise Représentation e Le Petit Cheval, Corne d'un Rock e Hécatombe, Le Parapluie e Le Fossoyeur. No Trois Baudet, Brasson dividiu o palco com Henri Salvador, Mouloudji, Lucie Dolène e Darry Cole. Seguiu-se uma apresentação na Villa d'Este, um primeiro concerto em Bruxelas, uma digressão por 36 cidades francesas, e em seguida o Teatro Bobino em Paris. Os anos Brasson tinham começado. O Olympia, o primeiro prémio da Academia Charles Cros, uma digressão pela Suíça, Marrocos, Bélgica e França, confirmaram o seu sucesso em 1954. Em 1955, esteve em Tunis, Argel, Bruxelas e por toda a França. Houve a oportunidade para ver ou rever no palco o novo prodígio da música. Os discos, as digressões e os anos passaram. As apresentações do Bobino e no Olympia sucederam-se. Je suis un pauvre fossoyeur. Il avait non corne de roc, au guet, au guet, tout le monde peut pas s'appeler Durand, au guet, au guet, il avait non corne de roc, au guet. Au gué, tout le monde peut pas s'appeler Durand. Au gué, au gué. En le regardant avec un œil de poète, on aurait pu croire à son frontal de prophète qu'il avait les grandes eaux de Versailles dans la tête. Corne d'Europe, mais que le bon Dieu lui pardonne. Au gué, au gué, c'était celle du robinet. Au gué, que le bon Dieu lui pardonne. Au gué, c'était celle du robinet. Au gué, au gué. Il proclamait à son de trompe à tous les carrefours. Il n'y a que les imbéciles qui sachent bien faire l'amour. La virtuosité, c'est une affaire de balourd. Corne d'Europe, il potassait à la chandelle. Au gué, au gué, des traités de maintien sexuel. Au gué, au gué. Et sur les femmes nues des musées. Au gué, faisait le brouillon de ses baisers. Au gué, petit à petit. Au gué, on a tout su de lui. Au gué, on a su qu'il était enfant de la patrie, qu'il était incapable de risquer sa vie pour cueillir un myosotis à une fille. Corne d'Europe, qu'il avait un petit cousin. Au gué, au placé chez les argousins. Au gué, et que les jours de pénurie. Au gué, il prenait ses repas chez lui. Au gué, c'est même en revenant chez cet antipathique qu'il tomba victime d'une indigestion critique et refusa le secours de la thérapeutique. Corne d'Europe, parce que c'était à un Allemand. Au gué, qu'on devait le médicament. Au gué, parce que c'était à un Allemand. Au gué, qu'on devait le médicament. Au gué, il rendit comme il put son âme machinale, et sa vie n'ayant pas été originale, l'État lui fit des funérailles nationales. Corne d'Europe, alors sa veuve en gémissant. Au gué, coucha avec son remplaçant. Au gué, alors sa veuve en gémissant. Au gué, coucha avec son remplaçant. Au gué. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau

Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière, c'est alors qu'il était content, tous derrière lui, devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière, il est mort par un éclair blanc, tous derrière lui, devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, Brassens apareceu no cinema em 1956, cantando em Porte de Lila, uma adaptação do romance do seu amigo René Fallet, realizada por René Clair. Em 1964, escreveu a emblemática canção Les Copains d'abord, para o filme Les Copains, realizado por Yves Robert em 1965. Interpretou a canção Heureux qui comme Ulysse, em 1970, com música de Georges Delerue e palavras de Henri Colpi, para o filme homónimo do seu amigo de set, Henri Colpi. E, no ano seguinte, compôs o tema Les drapeaux noirs flottent sur la marmite, para o filme com o mesmo nome, realizado por Michel Audiard. Em 1973, Brassens esteve em Cardiff para um concerto no Sherman Theatre da Universidade, o que levou à edição da gravação ao vivo In Great Britain, no ano seguinte. A consagração continuou com o Grand Prix de la Ville de Paris, em 1975, depois com o Prix du Disque, concedido por Jacques Chirac, em 1976. Um destino estranho para alguém que experimentou algumas incompatibilidades com a censura. Detém o recorde do número de canções censuradas pelo Comitê da Audição, em vigor até 1964. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. As cólicas renais, que persistiam há 40 anos, não lhe permitiram prosseguir o ritmo frenético das digressões. Em 1979, publicou um álbum instrumental duplo de jazz, com algumas das suas canções com Moustache e os Petit Français. Após 6 meses de concertos no Bobineau, de outubro de 1976 a março de 1977, Brassens gravou, em 1980, o seu último álbum, revisitando 27 canções da sua juventude, como Avoir un bon copain, Les Petits Chemins, ou Présine vous portez en voyage, em benefício da Fundação Persenise, fundada por Lino Ventura. Em outubro de 1981, Brassens morreu em Saint-Gély-du-Fesque, de cancro. Deixou 16 álbuns de estúdio, 5 ao vivo. Foram ainda publicadas gravações inéditas, póstumas e numerosas compilações. Por assassin, dans le mille de mon cœur, a laisser le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.

Et quand fatal sonnait l'heure de prendre un linceul pour costume, un tas de génies l'œil en pleurs vous offraient les honneurs posthumes pour aller au céleste empire. Dans leur barque ils venaient vous prendre, c'était presque un plaisir de rendre le dernier soupir. La plus humble dépouille était alors bénie, embarquée par Caron, Pluton et compagnie. Au pire des minus, l'âme était accordée et le moindre mortel avait l'éternité. Mais se touchant le crâne en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui ça et là, les gens passent encore, mais la tombe est hélas la dernière demeure, et les dieux ne répondent plus de ceux qui meurent. La mort est naturelle et le grand Pan est mort, et l'un des derniers dieux, l'un des derniers suprêmes, ne doit plus se sentir tellement bien lui-même. Un beau jour on va voir le Christ descendre du calvaire en disant dans sa lippe, merde, je ne joue plus pour tous ces pauvres types, j'ai bien peur que la fin du monde soit bien triste. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Si ma chanson chante triste, c'est que l'amour n'est plus là. Comme j'étais en quelque sorte amoureux de ces fleurs-là, comme j'étais en quelque sorte amoureux de ces fleurs-là, je suis entré par la porte des lilas. Des lilas, il y en avait guère, des lilas, il y en avait pas, des lilas, il y en avait guère, des lilas, il y en avait pas, j'étais tous morts à la guerre, passé de vie à trépas. Je suis tombé sur une belle qui fleurissait un peu là, je suis tombé sur une belle qui fleurissait un peu là, j'ai voulu greffer sur elle mon amour pour les lilas. J'ai marqué d'une croix blanche le jour où l'on s'envola, j'ai marqué d'une croix blanche le jour où l'on s'envola, accrochés à une branche de lilas. Pauvre amour, tiens bon la barre, le temps va passer par là. Pauvre amour, tiens bon la barre, le temps va passer par là. Et le temps est un barbare dans le genre d'Attila. Au cœur où son cheval passe, l'amour ne repousse pas. Au cœur où son cheval passe, l'amour ne repousse pas. Aux quatre coins de l'espace, il fait le désert sous ses pas. Alors nos amours sont mortes, envolées dans l'au-delà. Alors nos amours sont mortes, envolées dans l'au-delà, laissant la clé sous la porte des lilas. La fauvette des dimanches, celle qui me donnait le la, la fauvette des dimanches, celle qui me donnait le la, s'est perchée sur d'autres branches de lilas. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Quand je vais chez la fleuriste, je n'achète que des lilas. Si ma chanson chante triste, c'est que l'amour n'est plus là. Réalisation de Leandro Lubin. Philistins, épiciers, tandis que vous caressiez vos femmes, en songeant aux petits que vos grossiers appétits engendrent. Vous pensiez, ils seront menton rasé, ventre rond, notaires. mais pour bien vous punir. Un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes. Vous pensiez ils seront menton rasé, ventre rond, notaire. Mais pour bien vous punir, un jour vous voyez venir sur terre des enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes.